15-17, observation. Où? À quel endroit? À Paris. À Saint-Tropez. Au quartier latin. Au jardin du Luxembourg. Au Louvre. Au Sénat. Au bureau. Au bureau de poste. À la maison. À l'école. À la fac. À la Sorbonne. Dans la cour de la Sorbonne. Dans la rue. Sur la place. Sur le pont. Sur un banc. Sous les arcades. Sous le pont. Au bout du pont. Au bout de la rue. Derrière le Louvre. Devant le Louvre. En face du Louvre. En face de la Sorbonne. À droite du Louvre. À gauche du Louvre. À côté du Louvre. Tout près du Louvre. Là-bas. Plus loin. En montant. En descendant. Quai de Grenelle. Rue de Vaugirard. 59 quai de Grenelle. 18 rue de Vaugirard.